À l'occasion des 110 ans de la fabrication par le Japon du traité en 7 points de Lantongmi, la commission des femmes du comité nord pour l'application de la déclaration commune du 15 juin, la direction des femmes du comité sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin, le présidium du comité central de l'Union démocratique des femmes coréennes au Japon et la Société démocratique des femmes sud-coréennes au Japon ont lancé le lundi un appel à tous les Coréens de l'intérieur et de l'extérieur du pays sous le titre « Livrons vigoureusement le mouvement pan-national pour la liquidation générale des crimes ultra-géants d'État des impérialistes japonais ». En voici le résumé. Le traité en 7 points de Lantongmi, fabriqué de force par les impérialistes japonais en incitant les traîtres pro-japonais, est un traité d'agression illégale, injuste et barbare sans précédent, visant à s'emparer entièrement de la politique intérieure coréenne, à pratiquer intégralement la politique de régence générale et à historiquer complètement la souveraineté nationale. À cause de la domination coloniale barbare des impérialistes japonais d'une quarantaine d'années, plus de 8,4 millions de jeunes coréens ont été emmenés comme la chair à canon de la guerre d'agression contre le continent asiatique provoquée par le Japon, ou soumis aux travaux d'esclavage médiéval dans les chantiers, et plus d'un million parmi eux ont perdu la vie. Plus de 200 000 Coréennes innocentes ont été kidnappées et emmenées au champ de bataille et ont subi toute infamie imaginable par les barbares japonais. Les agresseurs japonais ont détruit et pillé sans merci les vestiges culturels et les ressources précieuses de notre pays, recouru à la suppression complète de notre nation sans précédent. On ne peut jamais oublier les crimes ultra-géants du Japon commis contre notre nation, même avec le temps et le changement de siècle, et ces crimes d'État n'ont pas de prescription. Pourtant, au lieu de présenter les excuses et indemnisations sincères pour ces crimes du passé, le Japon dénature son histoire d'agression horrible, révèle ouvertement l'ambition de régression et s'élance au rétablissement du militarisme. Tous les Coréens sont appelés à s'engager à l'unanimité dans la lutte pour la liquidation générale des crimes ultra-géants d'État commis par les impérialistes japonais contre notre nation, lors de leur occupation illégale en Corée. Tous les Coréens sont tenus de s'engager dans la lutte pan-nationale pour obtenir les indemnisations du crime d'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée nippone et de s'efforcer dynamiquement contre la tentative de renaissance du militarisme du Japon, son ambition de régression et ses hostilités injustes envers notre nation. Les formations des femmes du Nord, du Sud et de Diaspora sont convaincues que toute la nation s'engagera dans la lutte patriotique pour liquider une fois pour toutes les crimes ultra-géants du Japon et sauvegarder la dignité et la souveraineté nationale.